On laisse tomber le rideau, ton amour me fait défaut. On peut me couvrir de cadeaux, de compliments qui sonnent faux. Seul toi me fait rire au fond, seul toi m'inspire. En me levant, j'aimerais que tu sois là, un instant pour me prendre dans tes bras. Je pense que si t'étais là d'ailleurs, mes jours perdus seraient meilleurs. Pour sortir de cette détresse, j'ai besoin d'un peu de tendresse. Pour enlever cette douleur, j'ai besoin d'un brin de douceur. Oui, juste un peu de bonheur. Une larme au coin de l'œil, c'est mon âme qui est en deuil. D'en haut, tu me regardes en paix. Tu ne reviendras plus jamais. Pourquoi je sens ce vide, pourquoi mon cœur se brise. En me levant, j'aimerais que tu sois là, un instant pour me prendre dans tes bras. Je pense que si t'étais là d'ailleurs, mes jours perdus seraient meilleurs. Pour sortir de cette détresse, j'ai besoin d'un peu de tendresse. Pour enlever cette douleur, j'ai besoin d'un brin de douceur. Oui, juste un peu de bonheur. J'ai besoin d'un brin de douceur. Oui, juste un.